J'aime tes yeux impétueux quand ils confient que t'aimes la vie. Oh, j'aime tes yeux quand ils m'invitent à oublier que je suis trop vieux. Trop vieux. Ça m'a tapé sur la tête, j'en ai encore mal au ciel. Lucie. J'aime tourner quand il m'affronte, qu'il vient me chercher au pied de ma tombe. J'aime tourner quand il m'invite à oublier. J'ai plus d'acné, elle en fit tout ça. Tu m'as tapé dans l'œil, j'en ai encore mal aux rides. Aux rides. J'aime tes dents, celles de devant, quand elles mordoient le bout des doigts. J'aime tes dents, quand elles m'invitent à oublier mon plus que ça dent. Tu m'as tapé dans le cœur, j'en ai encore mal au bide. Au bide. Ta bouche, quand elle s'agite, qu'elle s'effarouche sur ma flébite. J'aime ta bouche quand elle m'invite à